بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المبحث الرابع كاتريم ريشيرش de cette رسالة la dernière qui est الجواب عن أهم أدلة المخالفين. Ce sont les principales preuves dont se servent les opposants pour affirmer leur parole. Le takfir de celui qui est jugé par autre que Allah. Et il a cité 14 dalils. 14 dalils. Et parmi les 14, deux sont. Yani sont. Se concernent les uns les autres. Al-Awwal, premier dalil, Taban, c'est le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ça, on a déjà parlé auparavant. Et à la base, il y a Ijma' al-Sunna al-An al-Aya al-Sat al-Zahiriha, qui a unanimité que ce verset n'est pas à prendre dans son apparent, comme on l'a pris auparavant, avec le tafsir d'Ibn Abbas et des tabi'in qui ont pris le ilm de lui, et qu'il y avait un Ijma' à leur époque. D'accord, ça, alhamdulillah. Thumma al-Dalil al-Thani, deuxième, qu'Allah ta'ala, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te font pas trancher entre eux dans leur litige et qu'ils ne trouvent en eux aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent totalement. An-Nisa, les femmes, verset 65. فإن قيل إن الله نفى الإيمان عن من لم يحكم الشريعة. Donc si jamais quelqu'un dit que Allah, dans ce verset, a renié la foi de celui qui ne juge pas par la charia, cela implique la mécréance. La réponse est que Al-Manfi huwa kamal al-iman la asl. Ce qui est renié là, c'est la base de la foi, plutôt la perfection de la foi et non pas sa base. Ce qu'on appelle al-iman al-mutlaq. Il y a les deux expressions. Mutlaq al-Iman, c'est la base de la foi. Ou al-Mutlaq, ou al-Iman al-Mutlaq, c'est la foi parfaite. Et le dalil, c'est comme dans le hadith de Anas, قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Quand aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc c'est la même chose. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, en bas de la page 57, il dit cela. Hadi al-aya mimma yahtajju bi al-khawarij ala takfir wulat al-umur allazina lam yahkumun bima anzala Allah. Qu'il dit Ibn Taymiyyah que ce verset est celui dont se servent les khawarij pour en mécréant les gouverneurs qui ne jugent pas avec la loi d'Allah. Ensuite, quelqu'un pourrait dire, c'est pas une preuve. D'accord, c'est pas une preuve que le hadith soit comme le verset. Mayal Zemdarik. Et ce verset est descendu à la base sur un homme. Regardez dans page 58 en haut, très directement. La deuxième explication, c'est que ce verset est descendu, la cause de la descente du verset. C'est pour un homme parmi les gens de Badr qui a eu un khilaf avec Zubayr. D'accord. Et Zubayr avait de l'eau qui coulait dans sa maison et son voisin qui était cet homme de Badr voulait de cette eau-là. Et il voyait qu'Ibn Zubayr était injuste. Donc c'est pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Zubayr, fais couler l'eau jusqu'à ce qu'elle remplisse ton besoin et ensuite ouvre pour qu'elle aille vers ton voisin. Hauna radiba ar-rajul. L'homme s'est mis en colère. Faqala annaka ibn ammatik. C'est parce que c'est ton cousin que tu dis cela. Il n'a pas admis le jugement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a voulu faire quoi? Il a voulu juste faire conciliation. Et en réalité, l'eau appartenait à Zubayr. Donc lorsque l'homme a réagi comme ça, le Nabi Sallam s'est mis en colère, il a dit à Zubayr de prendre l'eau pour lui. Et de là, le verset descendu. Donc cet homme est parmi les gens de Badr. Les gens de Badr, Allah Azza wa Jal, qu'allait anhum, y'amalou mashittoum, faqad ghafartou lakoum. Y'amalou mashittoum, faqad ghafartou lakoum. Donc les gens de Badr sont des gens à qui le Jannah était promis. Donc cet homme n'a pas mécru. Donc ça fait deux choses qui montrent que le verset est descendu sur un homme qui n'a pas mécru, plus le hadith de Anas. Afoumada. ثم الدليل الثالث troisième دليل qu'ils utilisent في قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu à ceux qui prétendent avoir cru en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu avant toi? Ils veulent trancher auprès de ta route, de prendre le jugement de ta route, alors qu'il leur a déjà été ordonné d'y croire. Et Shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Hadhihi al-aya, ce verset est descendu sur qui? Sur les munafiqin. Sur les munafiqin. Donc ce qu'il a sorti de l'islam, ce n'est pas le tahakum, le tarout, c'est son nifaq de base. D'accord? Et bien évidemment, le munafiq, idha kana yurid an yatahakam li at-tagut, c'est jugé par le tarout. C'est parce que lui voit que c'est halal, ou qu'il préfère cela. Donc c'est ça qui le rend mécréant. Et non pas le fait du tahakum li at-tagut. À bien comprendre. Et regardez, ce qui répète la chose, page 65, page 65, c'est Dalil et Hadi Achar, 11e Dalil, qui est lié à ça. Il dit, par rapport à la descente du verset, ou plutôt le 12e, Afouane, 12e Dalil, il dit que le verset descendu par une qissa qu'on a pris dans كتاب التوحيد هو ان رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن اشرف ثم ترافع الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قال نعم فضربوا بالسيف فقتله. Donc la cause de descendre de ce verset serait que deux hommes ont eu un différend. Et il s'agit à la base d'un Yahoudi et l'autre d'un Munafiq. Et le Yahoudi a voulu aller se rendre auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas les pots de vin. Et le Munafiq, il a voulu aller voir Ka'b ibn Ashraf, qui lui est un Yahoudi, il prend les pots de vin. Et au final, ils sont partis voir Omar. Et le Yahoudi a cité les faits à Omar. Et Omar a dit à l'autre homme, est-ce vrai? Il a dit « Naam ». Et là, il a mis un coup d'épée et l'a tué sur le champ. Qu'avons-nous dit par rapport à cette histoire? Par Kitab Tawhid. Ce qu'on avait dit. L'histoire n'est pas authentique. Donc, ce n'est pas un dalil. Korma Tazbout. Et d'ailleurs, il serait inconcevable, comme on l'a dit, incohérent, qu'une personne refuse, un munafiq, refuse d'aller trancher au produit de Nabi Salam, après il va voir Omar. Omar, il va trancher comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bilashak. Et même Omar faisait peur aux Moubtilines. D'accord? Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Akhasta fadjan wa yakhuzu shaitan fadjan akhar. Si jamais toi tu prends un chemin à Omar, shaitan va prendre un autre chemin, tant moins il faisait peur aux gens. Donc le munafiq, il va aller voir Omar pour trancher pour lui. Ah, sûrement pas. Donc l'histoire, elle n'est pas authentique. Et quand bien même elle serait authentique, elle serait valable pour le munafiq. C'est un munafiq, ça qui a fait que il a mécru. Donc ça, c'est avec le troisième dalil, quand même. Le 12e et 11e, là, ils sont reliés au troisième dalil. Donc on n'aura pas à les lire tout à l'heure. Al-dalil al-rabi'a, quatrième dalil. Fi qawlillahi ta'ala, wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim, la yuhuna ila awliya'ihim nujadilukum, wa inna ta'atumuhum innakum la mushrikun. Donc il dit que les shayatines, s'inspirent à leurs alliés afin de vous quereller. Et si jamais vous leur obéissez, vous serez associateur. L'An'am, les bestiaux, verset 121. Il rapporte une parole en dessous de Abdul Latif, Ibn Abdul Rahman, Ibn Hassan, qui est parmi les descendants de Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Najdi. Il dit par rapport à ce verset, كيف حكم أو حكم على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك. Il dit, regarde comment le jugement attribué à celui qui aura obéi aux alliés de Shaitan en rendant halal ce qui est haram. Donc là, le verset concerne quoi? L'obéissance dans l'istihlal, que tu rends halal ce qui est haram. Et non pas le fait d'obéir directement à quelqu'un qui juge par autre que l'ordre d'Allah. Et combien ce verset, cette compréhension de ce verset était correcte, rendrait mécréant le gouverneur et les gouvernés. Car il dit quoi? Ou il n'attorte mouhoum, il n'a qu'un mouchidekoun. C'est-à-dire, si tu leur obéis, vous l'obéissez, vous serez également des mouchidekoun. Donc, ça veut dire que même le peuple serait des mouchidekoun pour avoir obéi au gouverneur qui juge par autre ce qu'Allah a fait descendre. Donc, tout le monde serait mécréant, au final. Donc, ça, c'est la réponse à ce dalil qu'ils ont. Al-dalil khamis, cinquième. Qu'allah Allah ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils donc des associés qui leur légifèrent en religion ce que Allah n'a pas autorisé? L'auteur répond que ce verset-là, c'est pour le tabdil, en fait. Mubaddil. C'est quoi le mot mubaddil? Aya? Aïe, ouais, c'est pour celui qui apporte un nouveau hukm et qui dit que ce hukm vient d'Allah, c'est de la religion. C'est ça que ce verset concerne. Le tabdil. Et ça, c'est le kufr akbar. Naam, ça on l'a dit. Donc c'est pas pour n'importe qui. Et c'est quoi la proposition de tabdil? C'est, il dit, shara'u lahum. Il leur a rendu légiféré, Et quand là, mineddin. En religion. C'est-à-dire qu'il attribue cela en religion. D'accord? C'est la proposition de tabdil dont on a parlé. Dans la, qui était la sixième situation dans le tafsir du hukm biril min anzalallah. Et également, si on prenait ce verset selon leur compréhension dans l'absolu, on rendrait mécréant qui également? Qui déduit? Là. Une autre sorte de personnes qu'on rendrait mécréant par ce verset, qui sont-ils? Qui n'ont pas été rendus mécréants de base. Qui sont-ils? Personne ne déduit. Mubtadi'a, l'innovateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a légiféré en religion, ce que Allah n'a pas autorisé. Donc, si on prend leur compréhension, le Mubtadi'a sera un kafir également. Le Mubtadi'a, à la base, c'est pas du coup, c'est bid'a. À part sa bid'a, les mukafira, comme les roulats de Sofia, ou Rawafid, ou Ghayr Zalika. Voyez? Voilà. Al-dalil sadis, sixième dalil. Qul Allahu ta'ala, ولا يشرك في حكمه احد et qui n'associe personne dans le jugement de son seigneur. Donc ça, il dit que ce verset, ça concerne le tabdil également et l'istihlal. Ça concerne le tabdil et l'istihlal, le fait de rendre cela halal. Sans quoi, si on prenait le verset comme l'ont compris ces gens-là, ça reviendrait à rendre mécréant toutes les halates qu'on a prises, les neuf halates, celle Yachilef, l'authentique, c'est Kouf Asrar, et les autres. Donc en vrai, non, ce n'est pas le cas. Et également, Yaqullah Azawajal, elle a là où le hukm, ou plutôt, non, laisse tomber le... طيب on passe directement au sabi' ala alladhi qala al mu'allif yakfi as-sabi' qala Allah ta'ala inna al-hukmu illa lillah, que le jugement n'est que à Allah. Et ça, ça revient au hadith précédent. Et aussi, parmi les preuves, on a pris dans le kitab Tawhid, Fibab, Ma ja'a fi zimmatillah wa zimmat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'engagement envers Allah et envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'un des adillah du hadith, hadith Buraïda, on avait pris que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait des troupes, kana yusi al-umara bi taqwa Allah wa jaysh. Et il a dit, iza حاصرت الاهل حسن فرادوا منك الحكم فلا تنزل عليهم بحكم الله ولكن بحكمك. Ne prends pas sur eux le jugement d'Allah, mais établis ton jugement à toi. Pourquoi? Car tu ne sais pas si jamais tu auras eu raison dans le jugement d'Allah. C'est-à-dire, si tu dis ça, le jugement d'Allah, ce n'est pas le sien, tu seras trompé. Donc prends ton jugement à toi. Donc là, le Nabi sallam a dit à Buraïda de juger par quel jugement? Son jugement à lui. Entom. وكذلك, ce verset-là, c'est le verset que les Khawarij ont pris comme dalil pour rendre mécréant Ali ibn Abi Talib. Inna al-hukma illa lillah. Et là, Ali ibn Abi Talib, il a dit quoi? Il a pris un petit bâton. Il a dit, ya mushaf, ihkum. Ihkum ya mushaf. Ihkum. Pour dire ce que vous pensez, ça, en fait. C'est le mushaf qui devra juger. Ihkum. Tu vois, dans le sens, le mushaf, il juge pas comment on fait maintenant. Il faut bien qu'il y ait un homme qui réagisse. Souvent, il a cité l'adillah du tahakum entre des hommes. Là, ça, c'était Ibn Abbas qui a cité ça. Faliyakum zawa adl minkum. Juge deux gens équitables d'entre vous. Donc, le verset n'est pas à prendre comme ces gens-là l'ont compris. Huitième dalil. Qulullahu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leur moine et leur rabbin en seigneur, en tant que seigneur en dehors d'Allah. C'est pour qui ce verset? Awalan al-kitab. وكذلك على القياس, si on le prenait pour nous, comme dans le kitab Tawhid, ça va là pour qui? Mukallid. Mushidak. Qayyid dan la chart. C'est ce qu'on a pris. Aïwa. C'est l'istihlal également. Qui rend halal ce qui est du haram en suivant les gens. Il sait que c'est haram, mais il suit le gouverneur en le rendant halal, ou le savant en rendant halal, ou Foulen en rendant halal. Ça rend l'istihlal. Ça, on l'avait déjà pris déjà. Al-dalil ta'asiya. Deuxième dalil. Qu'Allah ta'ala, wa maqtalaftum fihi min shayin fi hukmu ila Allah. C'est le quoi de vous diverger, le jugement revient à Allah. Donc, ça revient que celui qui, lors d'un khilaf, ne revient pas au jugement d'Allah, est-ce que le verset dit que c'est un mécréant? Est-ce le takfir? C'est juste quand on donne du juger, de trancher par le kitab al-sunna. On l'a dit au début du kitab, ça c'est wajib. Celui qui ne le fait pas, sans rentrer dans les halat de Kufa Akbar, est-ce que le verset dit que c'est un kafir? Non, donc ce dalil est baraté. A'ashir, qu'on l'a ta'ala, a fait hukm al-jahiliyati yabroun. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِكَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce donc le jugement de la jahiliya qu'ils veulent, qui donc est plus sage en jugement que Allah? Al-Ma'ida, verset 50. Est-ce que le verset dit que celui qui a pris le hukm de jahiliya, c'est un kafir? Non plus. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت ذكر المؤلف أربعة من الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. Quatre choses de la jahiliya présentes dans ma communauté qui ne délaisseront pas. Il a bien dit le Nabi Salam, une umour la jahiliya. Qui rappelle les quatre? Hein? Aïwa. On fait l'ansab. Ou al-niyaha. Et il y en a un quatrième. Lui, c'est vraiment du kouf. L'istisqa bi al-anwa. Ça, c'est du kouf, celui-là. Demander la pluie par les astres. Les trois autres, Niyaha, la révolte lors d'un décès, et la critique des généalogies, ou se vanter de sa généalogie. C'est pas la même référence. Qala al-hala min al-jahiliya. Wa qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam li jalir, inna إنك مرؤون فيك جاهلية. Et tu es un homme qui est en lui de la jahiliya. Quand il avait dit à Bilal, Ibn Sauda, au fils de la noire. Et après, Jalil, bien sûr, il a fait Touba directement. Ouais, il a fait son expiation. Voilà l'erreur qu'il a commise. Donc cela, ce verset ne dit pas que c'est de la mécréance. Donc le 11e et 12e dalil, on les a pris déjà. 13e, il concerne également le 11e et le 12e. Et 14e, il vient avec les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Kathir, wa fi dhalika kulli mukhalafati shara'ihi li shara'i Allah al-munazzala 'ala 'ibadi al-anbiya 'alayhim as-salatu was-salam, faman taraka ash-shara' المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر فكيف بمن تحاكم الى الياس وقدمها عليه من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين dans le bidaya wal nihaya qu'il dit le fait de le juger par autre que le roi d'Allah qu'il a fait descendre sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas le juger vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de prendre en jugement par exemple les lois des Al-Kitab qui ont été abrogées ou alors d'aller prendre des jugements et là c'était les gens de je crois que c'était les Tatars à ce moment-là de laisser le Kitab Sunnah pour aller prendre les gens de Tatars il a dit celui qui fait cela aura mécru avec unanimité des musulmans et là ça revient on avait pris au début parmi les kawaïd, que prendre des paroles à l'absolu, sans tafsil, ça mène à l'égarement. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ibn Kathir, il est parmi ceux qu'on a cités, qui voient l'authenticité du athar de Ibn Abbas. Laisse le kufr la zita les abouni lehi, ou la kinwa kufr d'une kufr. Et dans le verset, wa man la merkoum biman zallah, il cita le parole d'Ibn Abbas, et les tabi'in qui ont pris ce call, wa rajahaha. Donc, comment comprendre cette parole maintenant? Que l'Ibn Abbas, il vise qui maintenant? L'istihlal. Et man yufaddil. Il vise le tafdil ou l'istihlal. Quelqu'un va dire, comment tu le sais? En prenant ces autres paroles. Tu prends pas une fakra de kalam d'Ibn Kathir, tu fais hukm directement sans savoir qu'est-ce qu'il dit dans d'autres bawadi'. Son kalam est expliqué par d'autres kalam à lui. Donc prendre ce kalam-là seulement et le prendre comme dalil, c'est pas déjà Ibn Kathir, c'est pas un dalil, d'une part. Même si c'était un avis de lui, c'était un avis. En plus, un avis mutaakhir an al-salaf. Le salaf était mujma'un ala dhalika. Donc au pire, c'était une zala de sa part. Et quand bien même, ce n'est pas le cas d'Ibn Kathir, il ne voit pas le takfir mutlaqan de man de qui juge par autre loi d'Allah azza wa jal. Là, son kalam yu'awwal biman istahalla dhalika ou فضل ذلك qui aura préféré cela ou qui a rendu cela halal. Ah, ça vous. Tamam. D'où l'importance de l'étitla, de connaître beaucoup les paroles de ulama pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Non. Donc là, on a fini. Le fait de l'Allah ta'ala, après c'était une parole, un long kalam, un long fatwa de Cheikh Othaymin, qui englobe tout ce qu'on a dit depuis le début. D'accord. La haja, ila qira'atiha, hatta l'antawwil, fi d'ars. Mafoum hada, donc là c'est très important. Et là, alhamdulillah, accepté de ça à Allah, l'auteur, sallallahu yajzaou khayra, bima qama bihi min al-amal, il a répondu aux principales ambiguïtés, et le reste, si ça ne t'a pas suffi, ça va en parler. Et si ça t'a suffi, les autres choses qu'ils vont apporter, c'est bon, elles ne vont pas tenir longtemps. Ça c'est le principal. Hada aham shay. D'accord? Aham shay. Et comme il a dit Charles Bani, ce qui ne suffit pas d'un dalil qui wadih, tu peux lui apporter 1000, ça ne suffira pas. Donc ça, rien de discuter, là c'est Asab Hawa, tu perds ton temps avec des gens comme ça. Et celui qui veut le haq, hada fi kifaya bidnila ta'ala. Tamam? Fabidha l'kod al-naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.